la dynamite. De la dynamite. Ok, on arrive tout de suite. Salut. La société Body dit qu'ils ont de la super défense. Génial. Ouais, ça marche. Les jeux sont un feat avec un seul mic, plusieurs styles, différents flows. Plein freestyle, de haut niveau, fait tourner l'info. Laisse le flow couler, lourd comme un boulet. Tout ce que tu voulais pour être bien saoulé. Sous les projecteurs ou dans ton lecteur. On chasse les acteurs qui avancent comme des tracteurs. Ne prends pas peur, face à mon carnage. Mais viens te noyer, même si t'es mauvais à la nage. Ok, tu pleuras violent dans tes tympans. Qui fait péter un plomb, c'était prévu dans mon plan. NERHR pour identité vocale, pour recevoir mes voyages. Hey, extrait du projet au bout du tunnel. Yeah. Faut que je sorte de ce trou noir. Quitter le large pour être loin de cette zone crade. Creuser l'écart, péter le score, c'est dans mon programme. Si on barre la route, je serai forcé de commettre un drame. J'écarte les tringles-balles et les wacks qui se trimballent. La taille de mon ambition et ma dalle rend les visages pâles. De l'ombre à la lumière, je marcherai tout seul pour graver mon blast sur les murs au bout du tunnel. Balance un beat fat, j'kidnappe en 2-4 les petites frappes. J'débarque, braque le wack, si t'as pas le poids, esquive-toi. NEH, sale, insolent, qui se tient par un carreau. La bonne rime te fout le barreau, ma parole j'fous la barreau. Bâtard qui boycotte, barre-toi avant qu'on chicote. Une tarpe, pète des chicots, tâche de sang sur t-shirt. Échappe-toi, les tailles critiques, faut que tu t'abrites au mic. J'laisse des cicatrices, car c'est ma marque de fabrique. Hey. C'est les styles, nous a mis bien. Sors le bazooka. Je sors ainsi la lance. Des exploits avec un lust bestial. Dans la foule c'est l'extase. Au moment du célestial. Viens, tout au nectar. Tout bras sorti de la cape. Concocté par nos gars braves. Poussé pour que les connards bavent. Neuf, voilà la base. Les cartes fait de la place. Y'a mon blast dans la bouche de ces bouffons qui se voient la face. J'enclenche le contact pour tester leur obstacle. Appelle ma NERH alias. Le coup du spectacle. Qui débarque avec un tas size. Tu rails le beat de manière. Qui débarque avec un tas size. Avec un tas style, tu pourrais le beat de manière bestiale. Si t'es pas taille, faut pas que tu restes. Parce qu'on n'a pas le time, on shoot les pédales. Passe-moi le mic et j'gagne la bataille. Je bats ta full time, des ricas drive-by. Boy, devant le bail, à vous toi battu. NEH en freestyle pour te fourrer le cul. Doucement, comment ça passe? Doucement, NEH, comment ça se passe, mon pote? Donne un beat à NEH, il décapite sans faute. Écoute, les rimes fatigues éclatent les stats. A chaque attaque, les fausses éclatent et kick les stats. Si t'es pas taille, tu veux m'affronter? J'ai un flow super brûlant qui est prêt à t'effriter. Si tu veux rentrer entier, cours, va vite t'abriter. Ton peur avait trop buté, c'est ta carrière, je viens l'arrêter. Eh, hey, c'est maintenant que je joue ça, on se commence. On est en plein, Clément, 9-2. Ok, hey, charge ton flingue, charge, charge. C'est un département, NEH. Le marque du bas de la pente avec la rage au ventre. J'suis dans un mousseau, comprends que j'ai pas le temps pour les rimes tendres. Mon flow d'attaque lâche pas le steak comme un rock vénère. En cette nouvelle ère, faut que tu comptes avec mes loups vénères. V'là le punisseur, le cogneur, élément perturbateur. J'kick les suceurs et les usurpateurs. Après ce passage, mousse-beul et mon feu les traumatise.